Combien 7, 3, 1. Pas du tout, ça 7, 2, pardon. T'avais 5, 2, Léo. Ah ouais, pardon. Ah oui, trop, ouais. 5, 2. Bah, c'est pour moi, j'ai bien fait. Ouais, là, ça passe. Je suis là. Ça passe. Bah, ça revient. Vas-y. Oui, prends. Ça passe. Je suis là. Ça revient. Ouais. Ouais, si. Fais gaffe, déjà. Oui, prends. Ça revient. Je suis là. Oui. Ouais, ici. Tu l'as. Je reviens. Yes. Oh, voilà. Oh, non. Attends, c'est descendu là ou pas? Est-ce qu'il est descendu? Oui. Bah ça va là. Ah bah c'est bon, il s'est remis. 10, 8. Je suis. Salut. Tu la renvoies. Hop, essaye. Ça revient.